Le lundi 24 avril, ici Dominique Lelièvre et les informations. Les ressortissants français de la région de Québec ont préféré Emmanuel Macron à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle française. Le candidat centriste a récolté un peu plus de 30% des voix dans la région, suivi par Jean-Luc Mélenchon qui a recueilli 25% des appuis. En troisième position, il est suivi du tenant de la droite François Fillon et Marine Le Pen a pour sa part récolté 13%. Quelques 4000 électeurs ont fait le déplacement samedi au collège Stanislas pour participer au scrutin. À l'échelle nationale, c'est Macron et Le Pen qui ont obtenu le ticket pour le second tour. Une élection qui s'annonce historique puisque pour la première fois en 50 ans, aucun des deux partis traditionnels ne seront représentés. Le candidat défait François Fillon a pour sa part indiqué plus tôt aujourd'hui qu'il se retire de la vie politique et qu'il ne prendra pas part aux élections législatives à venir. Transplant Québec invite les citoyens à passer à l'action dans le cadre de la 20e semaine nationale du don d'organes et de tissus. Plus de 3 millions de Québécois ont à ce jour signé leur carte d'assurance maladie ou un registre quelconque pour donner son accord au don d'organes. Si le nombre de transplantations augmente depuis des années, Transplant Québec rappelle que le nombre d'organes disponibles ne suffit toujours pas à la demande. Quelques 850 personnes se trouvent présentement sur une liste d'attente. Régis Labeaume promet de continuer à lutter pour le transport en commun. Le maire de Québec a insisté ce matin pour dire que l'abandon du projet de SRB avec la Rive-Sud ne constituait pas un désaveu face au transport en commun. Le premier élu de Québec plaide pour un peu d'égoïsme dans le dossier des transports sur la Rive-Nord. Il montre peu d'empathie pour la Rive-Sud. Il ne s'est d'ailleurs toujours pas entretenu avec le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, depuis la volte-à-face de ce dernier la semaine dernière. Monsieur Labeaume avait choisi par la suite de reculer à son tour et annoncer d'importantes consultations à partir du mois de mai. Printemps, été, automne, hiver, météo. On profite du soleil aujourd'hui et demain. Il sera très présent avec un maximum de 5 degrés aujourd'hui et de 10 degrés demain. De la pluie cependant qui débute mercredi et qui devrait durer jusqu'à vendredi. Présentement à Québec, c'est généralement ensoleillé. On a 2 degrés.